ce qu'il ignore. Zéphyr est pourtant bien mort. Il n'a pas eu le bon du sort. Et elle l'aime toujours à mort. Oh, oh. Oh, oh. Et le fantôme vit encore. Tout plein d'envie. Bien fort pour réveiller les...